Ceci est une lecture de Léa pour audiocité.net. Cinq années de ma vie, 1894-1899, d'Alfred Dreyfus. Je raconte uniquement dans ces pages ma vie pendant les cinq années où j'ai été retranchée du monde des vivants. Les événements qui se sont déroulés autour du procès de 1894 et dans les années suivantes en France me sont restés inconnus jusqu'au procès de Rennes. À mes enfants. Je suis née à Mulhouse, en Alsace, le 9 octobre 1859. Mon enfance s'écoula doucement, sous l'influence bienfaisante de ma mère et de mes sœurs, d'un père profondément dévoué à ses enfants, sous la touchante protection de frères plus âgés. Ma première impression triste, dont le souvenir douloureux ne s'est jamais effacé de ma mémoire, a été la guerre de 1870. La paix conclue, mon père opta pour la nationalité française. Nous dûmes quitter l'Alsace. Je me rendis à Paris pour poursuivre mes études. Je fus reçue en 1878 à l'école polytechnique, d'où je sortis en 1880 pour entrer comme sous-lieutenant élève d'artillerie à l'école d'application de Fontainebleau. Le 1er octobre 1882, j'étais nommé lieutenant au 31e régiment d'artillerie en garnison au Mans. À la fin de l'année 1883, j'étais classé aux batteries à cheval de la 1ère division de cavalerie indépendante à Paris. Le 12 septembre 1889, je fus nommé capitaine au 21e régiment d'artillerie, détaché comme adjoint à l'école centrale de pyrotechnie militaire à Bourges. Dans le courant de l'hiver, je me fiançai à mademoiselle Lucie Adamard, qui est devenue ma compagne dévouée et héroïque. Durant mes fiançailles, je préparai mes examens à l'école supérieure de guerre où je fus reçu le 20 avril 1890. Le lendemain, 21 avril, je me mariai. Je sortis de l'école supérieure de guerre en 1892 avec la mention très bien et le brevet d'état-major. Mon numéro de classement à la sortie de l'école de guerre me valut d'être appelée comme stagiaire à l'état-major de l'armée. J'y entrai le 1er janvier 1893. La carrière m'était ouverte, brillante et facile. L'avenir se montrait sous de beaux auspices. Après les journées de travail, je trouvais le repos et le charme de la vie familiale. Curieux de toutes les manifestations de l'esprit humain, je me complaisais aux longues lectures durant les chères soirées passées auprès de ma femme. Nous étions parfaitement heureux. Un premier enfant égayait notre intérieur. Je n'avais pas de soucis matériels. La même affection profonde m'unissait aux membres de ma famille et de la famille de ma femme. Tout dans la vie semblait me sourire. L'année 1893 se passa sans incident. Ma fille Jeanne vint éclairer mon intérieur d'un nouveau rayon de joie. L'année 1894 devait être la dernière de mon séjour à l'état-major de l'armée. Je fus désigné pour faire, durant le dernier trimestre de cette année, le stage réglementaire dans un régiment d'infanterie stationné à Paris. Je commençais ce stage le 1er octobre. Le samedi 13 octobre 1894, je reçus une note de service, m'invitant à me rendre le lundi suivant à 9h du matin au ministère de la Guerre pour l'inspection générale. Il y était expressément indiqué d'être en tenue bourgeoise. L'heure me parut bien matinale pour l'inspection générale qui d'ordinaire se passait le soir. L'indication de la tenue bourgeoise m'étonna également. Mais après avoir fait ces remarques à la lecture de la note de service, je les oubliai vite, n'y attachant aucune importance. Le dimanche soir, nous dînâmes comme d'habitude, ma femme et moi, chez mes beaux-parents, d'où nous partîmes fort gais, heureux comme toujours de ces soirées passées en famille, dans un milieu affectueux. Le lundi matin, je pris congé des miens. Mon fils Pierre, alors âgé de 3 ans et demi, qui s'était accoutumé à me conduire jusqu'à la porte quand je sortais, m'accompagna ce matin-là comme d'habitude. Ce fut un de mes plus vifs souvenirs dans mon infortune. Bien souvent, dans mes nuits de douleur et de désespoir, j'ai revécu cette minute où j'avais serré dans mes bras pour la dernière fois mon enfant. J'y puisais une nouvelle dose de force et de volonté. La matinée était belle et fraîche. Le soleil s'élevait à l'horizon, chassant le brouillard léger et ténu. Tout annonçait une superbe journée. Comme j'étais arrivé un peu à l'avance au ministère, je me promenais quelques minutes devant la façade, puis je montais au bureau. Dès mon entrée, je fus reçu par le commandant Picard, qui semblait m'attendre et qui m'introduisit aussitôt dans son cabinet. Je fus surpris de ne trouver aucun de mes camarades, les officiers étant toujours convoqués par groupe à l'inspection générale. Après quelques minutes de conversation banale, le commandant Picard me conduisit dans le cabinet du chef d'état-major général. Mon étonnement fut grand en y pénétrant. Au lieu de me trouver en présence du chef d'état-major général, je fus reçu par le commandant du paty de Clam en uniforme. Trois personnes en civil qui m'étaient également inconnues s'y trouvaient également. Ces trois personnes étaient M. Cochefer, chef de la sûreté, son secrétaire et l'archiviste Gribelin. Le commandant du paty vint à moi et me dit d'une voix étranglée : Le général va venir. En attendant, comme j'ai une lettre à écrire et que j'ai mal aux doigts, voulez-vous l'écrire pour moi ? Si étrange que fût cette demande, faite dans de pareilles conditions, j'y accédai aussitôt. Je m'assis à une petite table, toute préparée, le commandant du paty assis à côté de moi et tout près de moi, suivant ma main de l'œil. Après m'avoir fait remplir d'abord une feuille d'inspection, il me dicta une lettre dont certains passages rappelaient la lettre accusatrice que je connus par la suite et qui prit le nom de Bordereau. Au cours de la dictée, le commandant m'interpella vivement, me disant « Vous tremblez ». Je ne tremblais pas. Au conseil de guerre de 1894, il expliqua cette brusque interpellation en disant qu'il s'était aperçu que je ne tremblais pas durant la dictée, que dès lors il avait pensé avoir affaire à un simulateur et avait cherché à ébranler mon assurance. Cette remarque véhémente me surprit singulièrement, ainsi que l'attitude hostile du commandant du paty. Mais comme tout soupçon était fort loin de mon esprit, je crus qu'il trouvait que j'écrivais mal. J'avais froid aux doigts, car la température était très fraîche au dehors, et je n'étais que depuis quelques minutes dans une salle chauffée. Ainsi lui répondis-je, « J'ai froid aux doigts. » Comme je continuais à écrire sans présenter aucun trouble, le commandant du paty tenta une nouvelle interpellation. Il me dit violemment « Faites attention, c'est grave. » Quelle que fût ma surprise de ce procédé aussi grossier qu'insolite, je ne dis rien et m'appliquai simplement à mieux écrire. Dès lors, le commandant du paty, ainsi qu'il l'expliqua au conseil de guerre de 1894, considéra que j'avais tout mon sang-froid et qu'il était inutile de poursuivre plus loin l'expérience. La scène de la dictée avait été préparée dans tous ses détails. Elle n'avait pas répondu aux espérances qui l'avaient inspirée. Aussitôt la dictée terminée, le commandant du paty se leva et, posant la main sur moi, s'écria d'une voix tonnante « Au nom de la loi, je vous arrête. Vous êtes accusé du crime de haute trahison. » La foudre tombant à mes pieds n'eut pas produit en moi une commotion plus violente. Je prononçai des paroles sans suite, protestant contre une accusation aussi infâme que rien dans ma vie ne permettait de justifier. Puis M. Cochefer et son secrétaire s'élancèrent sur moi et me fouillèrent. Je n'opposais pas la moindre résistance et leur criais « Prenez mes clés, ouvrez tout chez moi, je suis innocent. » J'ajoutais « Montrez-moi au moins les preuves de l'infamie que vous prétendez que j'ai commise. »« Les charges sont accablantes, » me répondit-on, sans vouloir préciser ces charges. Je fus ensuite conduit à la prison du Cherche-Midi par le commandant Henri, accompagné d'un agent de la sûreté. Durant ce trajet, le commandant Henri, qui était d'ailleurs parfaitement au courant de ce qui venait de se passer, car il avait assisté, caché derrière un rideau, à toute la scène, me demanda de quoi j'étais accusé. Ma réponse fut l'objet d'un rapport du commandant Henri, rapport dont le mensonge éclata par les interrogatoires mêmes que je venais de subir, que je devais subir encore pendant plusieurs jours. À mon arrivée dans la prison, je fus incarcéré dans une cellule dont la fenêtre donnait sur la cour des condamnés. Je fus mis au secret le plus absolu. Toute communication avec les miens me fut interdite. Je n'eus à ma disposition ni papier, ni plume, ni encre, ni crayon. Les premiers jours, je fus mis au régime des condamnés, puis cette mesure illégale fut annulée. Les hommes qui apportaient ma nourriture étaient toujours accompagnés du sergent de garde et de l'agent principal, qui seul possédait la clé de ma cellule. Il était interdit de m'adresser la parole. Quand je me vis dans cette sombre cellule, sous l'impression atroce de la scène que je venais de subir et de l'accusation monstrueuse portée contre moi, quand je pensais à tous ceux que je venais de quitter il y a quelques heures à peine dans la joie et le bonheur, je tombais dans un état de surexcitation terrible. Je hurlais de douleur. Je marchais dans ma cellule, heurtant ma tête au mur. Le commandant des prisons vint me voir, accompagné de l'agent principal, et me calma pour quelques instants. Je suis heureux de pouvoir rendre ici mon reconnaissant hommage au commandant Forzinetti, directeur des prisons militaires, qui sut allier les devoirs stricts du soldat aux sentiments les plus élevés d'humanité. Durant les 17 jours qui suivirent, je subis de nombreux interrogatoires du commandant du paty faisant fonction d'officier de police judiciaire. Il arrivait toujours le soir, fort tard, accompagné de son greffier, l'archiviste Griblin. Il me dictait des bouts de phrases, pris dans la lettre incriminée, faisait passer rapidement sous mes yeux à la lumière des mots ou des fractions de mots pris dans la même lettre, en me demandant si je reconnaissais ou non mon écriture. En dehors de ce qui a été consigné dans les interrogatoires, il faisait toutes sortes d'allusions voilées à des faits auxquels je ne comprenais rien, puis se retirait théâtralement, laissant mon cerveau en face d'énigmes indéchiffrables. J'ignorais toujours quelle était la base de l'accusation. Malgré mes demandes pressantes, je ne pouvais obtenir aucun éclaircissement sur l'accusation monstrueuse portée contre moi. Je me débattais dans le vide. Si mon cerveau n'a pas sombré dans ces journées et dans ces nuits interminables, ce ne fut pas la faute du commandant du Paty. Je ne possédais ni papier ni encre permettant de fixer mes idées. À toutes les minutes, je retournais dans ma tête les lambeaux de phrases que je lui arrachais et qui ne faisaient que me dérouter davantage. Mais quelles que fussent mes tortures, ma conscience veillait et me dictait infailliblement mon devoir. « Si tu meurs, me disait-elle, on te croira coupable. Quoi qu'il arrive, il faut que tu vives pour crier ton innocence à la face du monde. » Le 15e jour, enfin, après mon arrestation, le commandant du Paty me montra une photographie de la lettre accusatrice appelée depuis le bordereau. Cette lettre, je ne l'avais pas écrite. Je n'en étais pas l'auteur. Après la clôture de l'instruction du commandant du Paty, l'ordre d'ouvrir une instruction régulière fut donné par le général Mercier, ministre de la guerre. Ma conduite, cependant, était irréprochable. Rien dans ma vie, dans mes actes, dans mes relations, ne pouvait prêter à une méprise quelconque. Le 3 novembre, le général Soucy, gouverneur de Paris, signa l'ordre d'informer. L'information fut confiée au commandant d'Ormécheville, rapporteur près le premier conseil de guerre à Paris. Il ne put relever aucune charge précise. Son rapport est un tissu d'allusions et d'insinuations mensongères. Il en a été déjà fait bonne justice au conseil de guerre de 1894. À la dernière audience, le commissaire de gouvernement termina son réquisitoire en reconnaissant que tout avait disparu sauf le bordereau. La préfecture de police, ayant fait des investigations sur ma vie privée, avait remis un rapport officiel absolument favorable. L'agent Guéné, attaché au service des renseignements du ministère de la guerre, produisit d'autre part un rapport anonyme. Ce n'était que racontard calomnieux. Ce dernier rapport fut seul produit au procès de 1894. Le rapport officiel de la préfecture de police, qui avait été remis à Henri, disparut. Les magistrats de la Cour suprême en retrouvèrent la minute dans les dossiers de la préfecture et firent connaître la vérité en 1899. Après 7 semaines d'instruction, durant lesquelles je suis restée comme précédemment au secret le plus absolu, le commissaire du gouvernement, commandant Brisset, conclut le 3 décembre 1894 à la mise en accusation, les présomptions étant suffisamment établies. Ces présomptions étaient fondées sur les rapports contradictoires des experts en écriture. 2 experts, M. Gobert, expert près la Banque de France, et M. Pelletier, concluaient en ma faveur. 2 experts, M. Tessonnière et Charavet, concluaient contre moi, tout en constatant de nombreuses dissemblances entre l'écriture du bordereau et la mienne. M. Bertillon, qui n'était pas expert, avait conclu contre moi par de prétendues raisons scientifiques. On sait qu'au procès de Rennes, en 1899, M. Charavet a solennellement reconnu son erreur. Le 4 décembre 1894, le général Saussier, gouverneur militaire de Paris, signa l'ordre de mise en jugement. Je fus mise alors en communication avec Maître Demange, dont l'admirable dévouement m'a soutenu à travers toutes mes épreuves. On me refusait toujours le droit de voir ma femme. Le 5 décembre, je reçus enfin l'autorisation de lui écrire à lettre ouverte. Mardi 5 décembre 1894, ma chère Lucie, enfin je puis t'écrire un mot. On vient de me signifier ma mise en jugement pour le 19 de ce mois. On me refuse le droit de te voir. Je ne veux pas te décrire tout ce que j'ai souffert. Il n'y a pas au monde de terme assez saisissant pour cela. Te rappelles plus quand je te disais combien nous étions heureux. Tout nous souriait dans la vie. Puis tout à coup, un coup de foudre épouvantable, dont mon cerveau est encore ébranlé. Moi, accusé du crime le plus monstrueux qu'un soldat puisse commettre. Encore aujourd'hui, je me crois l'objet d'un cauchemar épouvantable. La vérité finira bien par se faire jour. Ma conscience est calme et tranquille. Elle ne me reproche rien. J'ai toujours fait mon devoir. Jamais je n'ai fléchi la tête. J'ai été accablé, atterré dans ma prison sombre, en tête à tête avec mon cerveau. J'ai eu des moments de folie farouche. J'ai même divagué, mais ma conscience veillait. Elle me disait « Haut la tête et regarde le monde en face. Fort de ta conscience, marche droit et relève-toi. C'est une épreuve épouvantable, mais il faut la subir. » Je ne t'écris pas plus longuement car je veux que cette lettre parte ce soir. Je t'embrasse 1000 fois comme je t'aime, comme je t'adore. 1000 baisers aux enfants, je n'ose t'en parler plus longuement. Les pleurs me viennent aux yeux en pensant à eux, Alfred. La veille de l'ouverture des débats, j'écrivis à ma femme la lettre suivante. Elle exprime toute la confiance que j'avais dans la loyauté et la conscience des juges. J'arrive enfin au terme de mes souffrances, au terme de mon martyre. Demain, je paraîtrai devant mes juges, le front haut, l'âme tranquille. L'épreuve que je viens de subir, épreuve terrible s'il en fut, a épuré mon âme. Je te reviendrai meilleur que je n'ai été. Je veux te consacrer à toi, à mes enfants, à nos chères familles, tout ce qui me reste à vivre. Comme je te l'ai dit, j'ai passé par des crises épouvantables. J'ai eu de vrais moments de folie furieuse à la pensée d'être accusé d'un crime aussi monstrueux. Je suis prête à paraître devant des soldats comme un soldat qui n'a rien à se reprocher. Ils verront sur ma figure, ils liront dans mon âme, ils acquerront la conviction de mon innocence, comme tous ceux qui me connaissent. Dévoué à mon pays auquel j'ai consacré toutes mes forces, toute mon intelligence, je n'ai rien à craindre. Dors donc tranquille, ma chérie, et ne te fais aucun souci. Pense seulement à la joie que nous éprouverons à nous trouver bientôt dans les bras l'un de l'autre, à oublier bien vite ces jours tristes et sombres. Alfred. Le 19 décembre 1894 commencèrent les débats du procès qui eut lieu à huis clos, malgré les énergiques protestations de mon avocat. Je désirais ardemment la publicité des audiences afin que mon innocence éclatât au grand jour. Lorsque je fus introduit dans la salle d'audience, accompagné par un lieutenant de la garde républicaine, je ne vis rien, je n'entendis rien. J'ignorais tout ce qui se passait autour de moi. J'avais l'esprit complètement absorbé par l'affreux cauchemar qui pesait sur moi depuis de si longues semaines, par l'accusation monstrueuse de trahison dont j'allais démontrer l'inanité, le néant. Je distinguais seulement, au fond, sur l'estrade, les juges du conseil de guerre, des officiers comme moi, des camarades devant lesquels j'allais enfin pouvoir faire éclater mon innocence. Quand je fus assis devant mon défenseur, maître de Mange, je regardais mes juges, ils étaient impassibles. Derrière eux, les juges suppléants, le commandant Picard, délégué du ministre de la guerre, Monsieur Lépine, préfet de police. En face de moi, le commandant Brisset, commissaire du gouvernement, et le greffier Valcal. Les premiers incidents, la bataille que Demange livra pour obtenir du conseil la publicité des débats, les violentes interruptions du président du conseil de guerre, l'évacuation de la salle, tout cela ne détourna pas mon esprit du but vers lequel il était tendu. J'avais hâte d'être face à face avec mes accusateurs. J'avais hâte de détruire les misérables arguments d'une infâme accusation de défendre mon honneur. J'entendis la déposition erronée et haineuse du commandant du Paty de Clam, la déposition mensongère du commandant Henri au sujet de la conversation que nous échangeâmes dans le trajet du ministère de la guerre à la prison du Cherche-Midi, le jour de mon arrestation. Je les réfutai l'une et l'autre énergiquement avec calme. Mais quand ce dernier revint une seconde fois à la barre, lorsqu'il dit tenir d'une personne honorable qu'un officier du deuxième bureau trahissait, je me levai indigné, je demandai avec violence la comparution de la personne dont il invoquait les propos. Alors, dans une attitude théâtrale et en se frappant la poitrine, il ajouta « Quand un officier a un secret dans sa tête, il ne le confie pas même à son képi. » Puis se tournant vers moi, et le traître le voilà. Malgré mes violentes protestations, je ne pus obtenir que ses paroles fussent éclaircies. Je ne pus donc en montrer la fausseté. J'entendis les rapports contradictoires des experts. Deux déposèrent en ma faveur, deux déposèrent contre moi, tout en constatant de nombreuses dissemblances entre l'écriture du bordereau et la mienne. Je n'attachais aucune importance à la déposition de Bertillon, car elle me parut l'œuvre d'un fou. Toutes les allégations accessoires furent réfutées dans ces audiences. Aucun mobile ne put être invoqué pour expliquer un crime aussi abominable. Dans la quatrième et dernière audience, le commissaire du gouvernement abandonna tous les griefs accessoires pour ne retenir comme pièce à charge que le bordereau. Il s'empara de cette pièce et la brandit en s'écriant « Il ne reste plus que le bordereau, mais cela suffit. Que les juges prennent leur loupe. » Maître de Mange, dans son éloquente plaidoirie, réfuta les rapports des experts, en démontra toutes les contradictions et termina en demandant comment on avait pu échafauder une pareille accusation sans produire aucun mobile. L'acquittement me parut certain, je fus condamné. J'appris, 4 ans et demi plus tard, que la bonne foi des juges avait été surprise, autant par la déposition d'Henri que par la communication en chambre du conseil de pièces secrètes et inconnues de la défense, pièces dont les unes m'étaient inapplicables, les autres fausses. La communication en chambre du conseil de ces pièces fut ordonnée par le général Mercier.